dites, vous avez fini de faire du boucan avec vos guitares, parce que y en a qui essayent de dormir ici. Laissez-moi dormir, je suis fatigué. Laissez-moi dormir, demain je dois bosser. Laissez-moi dormir, j'en ai vraiment assez. Laissez-moi dormir, je vais me coucher. Laissez-moi dormir, je suis fatigué. Laissez-moi dormir, demain je dois bosser. Laissez-moi dormir, j'en ai vraiment assez. Laissez-moi dormir, je vais me coucher. Y'en a, ils ont vraiment que ça à foutre de jouer de la guitare très tard le soir. Putain, vous êtes sous. J'ai dit stop.